Radioactive, dimanche 21h comme tous les dimanches, Lost in Space, et aujourd'hui on va peut-être faire un peu concurrence à nos charmants collègues du samedi soir. Je parlais d'excellente émission Soleil Noir qui enchante vos samedis soirs et aussi des fois comme ce mercredi, les mercredis soirs au baratin, donc des soirées radioactives. Donc je disais, nous allons faire peut-être concurrence ce soir à Soleil Noir, parce que je vous ai préparé une playlist de 2 heures intégralement Cold Wave, des choses qui peuvent passer, avec pas mal de français, vous allez voir, des vieilles légendes, un petit peu de concert, enfin bref, de quoi passer 2 heures en vague froide. C'est parti. Entre dans ma décadence. On a donc commencé avec un groupe français No Tears et on va continuer avec un autre groupe français qui s'appelle Bal Paré. C'est une atteinte indirecte mais extrêmement grave contre la dignité du couple, contre le fondement même de la liberté du couple et sa dignité. Bauhaus à l'instant avec leur morceau Hope et on continue avec De Volanges. Sweet times burn, and the world crashed down. Sweet times burn. Ça va, ma femme? Ça va et toi, ben, écoute, tu te vois bien. Il y a Fanny et tout qui va venir pour dire pour nous dire au revoir, quoi. Fanny? Ouais, on fait une petite soirée tranquille à la maison, on sort pas et tout. Et voilà, quoi. Et en plus, il y a des gens qui ont invité des gens, mais bon, eux, ils viennent très tard. Opéra multistyle et maintenant Rosa Crux. Mort propre, propre de la mort, mort du propre. Acceptation du contradictoire et une l'apogée flambante des hordes bellicistes. Grosseur excoriée de la froide entité mort. Révélation des vérités destructivistes en l'après-court circuitage de life. Un cachet de Long Song of Death. Vie, mort, mâle, femelle, noirceur, blémitude. Without any line de fuite. In ces oubliettes aux figures débauches excisantes. En signaux des blancs curtains. This is a fiction, so it's unimportant de suivre à la lettre le déroulement de la paroi d'intrigue critique dont chaque élément désormais précise le fractionnement de ma head. Diary of sadness. Il, writer rongé, l'inacceptable de sa tête fragmentée d'étoffes dispersées. In esprit exsangue. Inertie. Vice de patience en qui chancellent les répétitives gestuelles. Thank you. D-Bunker avec le morceau Josine et maintenant Clock DVA avec Buried Dreams. Alors voilà, donc ça, c'est cette idée justement qu'on trouve d'ailleurs dans des notions un peu théoriques sur l'idée d'image. C'est l'idée qu'on s'écarte en quelque sorte lorsqu'on fait l'image de quelque chose, lorsqu'on prend conscience, enfin pas lorsqu'on prend conscience, mais lorsqu'on éprouve en fin de compte une force d'image, c'est qu'il y a une différence entre la chose qui a été captée. Et puis la chose qui nous est restituée, qui au travers des médiums qui captent tout ça, les enregistreurs du son, les haut-parleurs. Best peine, sûr que ça valait la peine, car tu chantes avec une seule idée en tête, avec une seule idée en tête. Je bin von Kampis aus Affleben eingestellt, Affleben eingestellt, eingestellt, Affleben eingestellt. Vibration brisa le miroir, vibration brisa le miroir, le miroir, vibration brisa le miroir. Demain Berlin, à l'instant, avec Guerre froide, ce qui est, à mon avis, peut-être le meilleur morceau produit par la vague Cold Wave française du tout début des années 80. Un extraordinaire morceau que je ne me lasse pas d'écouter. Et on enchaîne après avec un autre groupe qui était très intéressant de la même époque. Ça s'appelait Mathématiques modernes et ce morceau s'appelle A plus B égale C.

throughout the 80s, that was all I lived for. I just, that was it, the band was it, it was everything, you know. It would be very sad, I think, if that was to be the case now, like 15 years down the line, the late 60s, listening to Jimi Hendrix, he's why it was always like in my heart, he is my full-time hero. But Bowie was the first person that I thought was, this is my music, you know. I went out and bought the Ziggy Stardust sound, the first album I bought, the first things I learned on the guitar, were like the early Beatles singles, and I always really wanted to be Beatles, you know, but it's very good. It's a different thing when you discover something like the music of your own generation. And the first time it's weird, the age that I am, but it was kind of Bowie at first, but then 3 years later, suddenly it was Sex Pistols, you know, the Clash and things like that. No Tears à nouveau avec Robert's Eyes et qui va être enchaîné par un très bon groupe anglais qui s'appelle les Caméléons, que quasiment tout le monde a oublié, et on va écouter leur morceau de 1986, Swamp Thing. I can practically see The first book I put out was almost 2 years ago now, maybe more, was The Concordance of the Holy Books of Thelema, and that kind of came about as kind of a pet project that kind of just grew into something real, so it was a pretty interesting experience. Flies, three blind mice, eight little maids in a box. He met them, he kept them, he carefully puts them away. On a rainy day, when nothing's left, now nothing's left. 1,934 plastic facsimiles of the Eiffel Tower, 20% of which were broken because they were made in Taiwan, so they weren't built to last at all. And anyway, the proportions were completely wrong because they don't have the Eiffel Tower in Taiwan. All they have is pagodas. And he had many pagodas too. He had 28 pagodas, which he shrunk with water and kept them all in a big trunk, which he dug out from the sea, from a huge wreck of this old galleon. And he kept galleons too, many, many galleons with skeletons and lots of treasure. The Legendary Pink Dots à l'instant, et on enchaîne avec Charlotte Sometimes en live à Orléans, ce fameux morceau des Cure. This is something we've only ever done once live. It's called Charlotte Sometimes. Night after night, she lay alone in bed. And Also the Trees, un instant, et maintenant peut-être l'un des plus grands morceaux aussi de la cold wave anglaise, Bela Lugosi's Dead par Bauhaus. Is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box, Bela Lugosi is dead. Thank you. Orchestre Rouge, excellent groupe franco-américain d'ailleurs, parce que Théo Acolal, chanteur, est venu des États-Unis à Paris pour créer d'abord Orchestre Rouge, qui deviendra ensuite Passion Fodder et donnera encore ensuite la carrière solo de Théo Acolal, que l'on connaîtra pour avoir écrit une belle chanson qui dit « Il n'y a pas de jolie fille à droite ». Et là, c'est l'époque de son tout premier album, Orchestre Rouge, avec ce morceau « Soon Come Violence ». Et on continue maintenant avec « Modèle Martial ».

No Tears à l'instant et à nouveau les caméléons. I have to know. The Legendary Pink Dots avec The Safe Way. Et on continue avec No Unauthorized, le groupe de Michel Madrange dont je vous ai parlé la semaine dernière, avec ce morceau-là qui s'appelle Fraction Armée. Thank you. Voilà, c'est sur ce morceau en concert d'And Also The Trees, enregistré à Paris en 1986, qui s'appelle Impulse of Man, que s'achève ce 20e épisode de la saison 3 de Lost in Space. J'espère que vous avez passé de bonnes heures. On se retrouve la semaine prochaine, vraisemblablement avec une émission consacrée aux reprises, et Dieu sait qu'il y en a dans l'histoire du rock'n'roll. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne semaine. On se retrouve nous demain avec les Écopop à 19h30 pour l'actualité de la musique pop-rock. Et donc d'ici là, bonne nuit, à bientôt, ciao.